Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la chasse aux sorcières anticommunistes du sénateur Joseph McCarthy. Gros, ramassé, l'œil petit, un peu bouffi, mais perçant et dur, la voix un peu haute, mais en même temps très profonde, le geste mesuré, massif, lourd, obstiné, écrasant tout sans jamais tenir compte des règles, interrompant sans scrupule ses adversaires avec ses « Mr. Chairman, Monsieur le Président », ne supportant jamais la contradiction ni l'interruption, il accapare littéralement l'écran à lui tout seul. Le sénateur Joseph McCarthy, tel que décrit par le journaliste Maurice Verter en 1954, Joseph McCarthy ne présidera que 2 ans. Le fameux sous-comité sénatorial d'enquête permanent où il mènera sa chasse aux sorcières anticommunistes, mais ses méthodes contestées, sa détermination obstinée seront si brutales qu'on accolera son nom à cette époque peu glorieuse des années 40 et 50, durant laquelle les règles élémentaires de droit seront bafouées aux États-Unis au nom de la sécurité d'État et de la chasse aux sorcières anticommunistes. Entre 1947 et 1953, 30 000 employés gouvernementaux seront sous enquête pour activités subversives. On nage en plein macartisme. Qu'est-ce que c'est? Un serment de loyauté envers l'Amérique. Êtes-vous à l'heure actuelle ou avez-vous été au monde? Murrow l'a signé. Murrow l'a signé? Si tu refuses de signer, ça nous crée des ennuis. Si je refuse, je serai viré, c'est évident. 10 secondes. Attention, caméra 1. Bonsoir à tous. L'homme qui protège les communistes n'est pas digne de porter cet uniforme de général. Je n'aime pas juger une personne uniquement sur des rumeurs. Est-ce qu'un jour on pourra demander à mes enfants de me dénoncer, moi aussi? Il s'en suivra une réaction en chaîne. Les charges étaient dans une enveloppe scellée, personne n'a rien vu. Il ne vous vient pas à l'idée que les personnes qui ont vu les documents contenus dans l'enveloppe soient plus à même de déterminer ou non si cet homme est un danger pour notre sécurité? Ou croyez-vous que c'est à vous d'en décider? Qui sont ces personnes? Ce sont des élus, prêchent-ils pour leur paroisse? Est-ce vous? Extrait de la bande-annonce du film de George Clooney, film réalisé en 2005, Good Night and Good Luck, qui témoigne, ce film, du combat que vont mener le journaliste présentateur vedette Edward Murrow et le producteur Fred Friendly pour que cesse l'acharnement du sénateur Joseph McCarthy dans sa chasse aux sorcières anticommunistes. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Karine. Bonsoir. C'est ce petit extrait, il y a tout là-dedans. C'est de ça, c'est ce climat-là. Le McCarthyisme, c'est ça, c'est la suspicion. C'est un climat toxique. C'est de ça dont on parle. Tout à fait. C'est un climat de dénonciation, de rumeurs où les faits n'ont plus aucune importance. Et c'est aussi, paradoxalement, pour dénoncer le communisme, on va utiliser les méthodes qu'on reproche aux communistes d'avoir pour justement débusquer l'ennemi, pour essayer justement de faire un peu le ménage, mais sur la base davantage de rumeurs et de on-dit que sur des faits ou des gestes posés réellement. Mais une vraie chasse aux sorcières, oui. cette inquisition, cette dénonciation, mm-hmm. cet appel à la dénonciation, oui. Ça c'est vraiment terrible. Ça va marquer ce pays, les États-Unis, pendant un bon bout de temps. McCarthy, c'est 2 ans, là, mais c'est quoi, presque 20 ans? Oui, exact. Ouais. Dans quel contexte ça prend forme, au départ, cette chasse aux sorcières anticommunistes? Au début, évidemment, c'est la guerre froide. La guerre froide va donner un peu la chair de poule aux Américains. On vit dans un contexte de crainte nucléaire à peu près permanent parce que les Soviétiques ont développé la bombe atomique en 1949, la bombe à hydrogène quelques années après. Donc, on craint évidemment l'utilisation du nucléaire, pas le nucléaire qu'on a, nous, évidemment, mais celui que les autres possèdent. Mm-hmm. Alors, on est dans cette crainte permanente d'un danger. On vit dans un danger qu'on sent imminent et à partir de ce moment-là, on sent l'intérêt, le besoin, la nécessité de débusquer ces agents de l'ennemi extérieur qui vivraient au sein de notre communauté. Bon. Et concrètement, quand on parle de macartisme, on parle de quoi? Le macartisme, c'est vraiment une période qui s'étend, vous l'avez dit, sur presque 20 ans. Une période, surtout dans les années 50, là où je vous dirais, on a connu un peu l'apogée de ce macartisme-là. C'est cette période où on va voir plusieurs commissions d'enquête de différentes institutions qui vont voir le jour, qui vont être mises sur pied pour essayer de débusquer, effectivement, cet ennemi de l'intérieur, comme le disait McCarthy lui-même en 1950, essayer de débusquer ces communistes qui, évidemment, vivraient parmi nous. Mm-hmm. Évidemment, on va utiliser des moyens qui existaient déjà. des moyens qui existaient, notamment des commissions d'enquête, comme je le disais, qui existaient auparavant et qui ont été créés au départ pour chasser les nazis, qui se seraient peut-être infiltrés au sein du gouvernement américain. Qui étaient les éléments subversifs de l'époque. De l'époque, voilà. Ouais. Mais là, on est dans cette deuxième vague de ce que les historiens ont appelé la peur rouge, la première qui s'était produite tout de suite après la Révolution russe, début des années 20 aux États-Unis. Et là, dans les années 50, effectivement, avec l'élaboration, le développement du programme nucléaire soviétique, on est dans cette deuxième vague de peur rouge, ouais, de peur du communisme, et tous les moyens seront jugés adéquats, nécessaires pour faire la chasse à ces communistes. Donc, trois commissions, très concrètement, oui, c'est trois commissions gouvernementales qui, oui, feront ce macartisme, cette chasse aux sorcières anticommunistes. La première, c'est la commission de la Chambre des représentants sur les activités anti-américaines. Oui, et c'est cette commission souvent qu'on associe à tort à McCarthy, alors que McCarthy n'a pas du tout présidé cette commission-là. McCarthy est un sénateur, on aura l'occasion d'en reparler, alors que cette commission-là, c'est celle de la Chambre des représentants. Et cette commission-là a été créée en 1938, comme on le disait, pour faire la chasse aux sympathisants nazis, aux sympathisants fascistes à la fin des années 30, début des années 40. Elle va devenir permanente en 1946 et sera chargée à ce moment-là d'enquêter sur les activités subversives qui sont essentiellement à ce moment-là, dans les années 40, associées au communisme. Alors, elle va faire son travail de façon assez sérieuse, mm-hmm, assez médiatisée également. Elle va changer son nom en 69 et sera abolie en 75, mais c'est une commission très importante. Importante et très médiatisée, oui, parce que, vous l'évoquez, parce que cette commission, c'est elle, en fait, qui va s'attaquer au milieu du cinéma à, oui, Hollywood. Exactement. Avec sa fameuse liste, là. Exactement. Le je vous dirais, un des cas les plus célèbres de cette commission-là, c'est ce qu'on va appeler les 10 d'Hollywood. Donc, 10 réalisateurs, scénaristes, acteurs du milieu hollywoodien qui ont été convoqués en 1947 devant cette commission-là. Ils seront formellement accusés un an après des procès, plus ou moins dans les règles. Mais on les accuse essentiellement de ne pas répondre aux questions qu'on leur pose. Et c'est ça un peu le glissement concernant les droits et libertés, parce que à partir du moment où vous invoquez le premier amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression, pour ne pas répondre à des questions, bien, on vous accuse à ce moment-là d'accointance avec les communistes. Et le milieu du cinéma est un milieu facile à attaquer sur ce flanc-là, parce que ce sont à cette époque des gens essentiellement à gauche, quelquefois effectivement liés au Parti communiste, mm-hmm, donc certains acteurs, réalisateurs ou scénaristes étaient effectivement ou avaient effectivement été membres du Parti communiste. Des sympathies. Alors, des sympathies, parce assurément. Parce qu'il n'y a pas que du n'importe quoi, c'est-à-dire que la persécution, ça, c'est très discutable, là, les méthodes qui sont utilisées, mais les milieux syndicaux, le milieu du cinéma, les milieux progressistes qu'on va d'abord viser, ça va dégénérer, oui, après. Oui, on commence avec ces gens-là. Et, ouais, on avait commencé avec le Parti communiste, d'ailleurs, les dirigeants du Parti communiste américain, même si ça n'a jamais pris de proportions très importantes. Ouais. Les dirigeants de ce parti-là ont tous été accusés, évidemment, de comploter avec l'ennemi et ont été condamnés. Donc, on va d'abord utiliser cette raison-là en disant, ben, on va commencer par surveiller les communistes qu'on a chez nous. Et qui sont les communistes qu'on a chez nous? Ben, les gens qui sont associés habituellement au milieu artistique. Il y a des grands noms qui vont être visés. Certains, oui, vont quitter les États-Unis. Il y a des gens qui ne sont même pas dans la liste des 10 au départ. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, les studios d'Hollywood vont se réunir et vont établir eux-mêmes une liste de 300 noms à peu près. Voici les gens dont nous, on soupçonne qu'ils ont des acquaintances avec les communistes. Et là-dessus, évidemment, il y a Charlie Chaplin, mm-hmm, notamment. Il y a Orson Welles, des gens qui vont quitter les États-Unis et qui vont travailler d'ailleurs. Il y a des gens qui vont adopter des pseudonymes, par exemple. Il y a un film tout récemment qui est sorti sur Trumbo, qui est le scénariste d'Alton Trumbo, et qui, justement, lui, a dû travailler sous pseudonyme. Mais je vous dirais que la majorité des gens qui se sont retrouvés sur cette liste-là, ou dont on a soupçonné que peut-être ils étaient sur cette liste-là, ont été traités comme des pestiférés, mm-hmm, et la plupart n'ont pas pu continuer à travailler dans le milieu hollywoodien. Ce qui est intéressant, puis on va le voir au cours de cette émission, c'est qu'il y a des futurs présidents qui sont associés au macartisme, entre autres, pour ce qui est de la question d'Hollywood, Ronald Reagan. Ronald Reagan, notamment, parce que évidemment il y a des célébrités qui vont prendre le parti des 10 d'Hollywood et des gens qui se retrouvent sur la fameuse liste noire, les 300 noms dont on parlait. Il y a beaucoup de célébrités qui vont dénoncer les agissements de la commission. Mais il y en a d'autres, sans nommer de nom de façon explicite. On commence déjà à se la jouer politique un petit peu. Il y a d'autres gens du milieu du cinéma qui vont affirmer effectivement qu'il existe une clique communiste à Hollywood. Et Ronald Reagan, notamment, va faire cette déclaration-là. Mais aussi Walt Disney, mm-hmm, évidemment, qui va aussi renchérir en disant Effectivement, il y a beaucoup de gens à Hollywood qui sont associés au communisme. Bon, il y a une deuxième commission qui fait partie de ce portrait du macartisme, commission gouvernementale qui fera cette chasse aux sorcières, la commission sur la loyauté des fonctionnaires fédéraux. Oui, et ça, c'est une commission qui sera mise en place par décret par le président Harry Truman en 1947, et ça fait suite à la création de la CIA, ça fait suite à la création du National Security Council également. Donc, c'est dans la logique, en fait, de l'endiguement du communisme. Alors, on a établi des institutions pour lutter contre le communisme à l'extérieur, mais maintenant, on va se doter d'une commission qui va nous permettre d'enquêter sur le communisme à l'intérieur. Et c'est ce que cette commission sur la loyauté est chargée de faire. Donc, elle est chargée de débusquer les personnes, effectivement, qui avaient à la fois des sympathies fascistes, mais aussi des sympathies communistes. C'est pas la commission qui va travailler le plus, si on veut, là, pendant cette période-là. Troisième commission gouvernementale associée au macartisme, ça nous ramène à notre fameux sénateur, Joseph McCarthy. Il va présider, c'est fascinant parce que vraiment c'est son nom qu'on a associé à cette période-là. Il préside 2 ans seulement la sous-commission d'enquête permanente du Sénat. D'abord, qui est-il, Joseph McCarthy? Joseph McCarthy, c'est un sénateur républicain du Wisconsin. C'est quelqu'un qui est farouchement anticommuniste depuis toujours, en fait. Alors, il n'y a pas de surprise à cet égard-là. C'est quelqu'un qui est plutôt flamboyant. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui a un certain charisme. Alors, il va réussir de cette façon-là à convaincre un peu les gens du bien fondé de ses actions. Dans les premiers instants où il a commencé à parler publiquement des dangers internes du communisme, c'est en 1950 dans un discours qu'il a prononcé où il dénonce justement ses ennemis de l'intérieur dont on parlait tantôt. Et ça va, à ce moment-là, il dit qu'il a lui-même en sa possession une liste de 200 noms de fonctionnaires fédéraux qui sont liés au Parti communiste. Il va envoyer cette liste-là à la commission de la Chambre qui va la juger tout simplement calomnieuse. Mais ça va lui donner en tout cas une tribune, ça va lui donner également une occasion, un prétexte si on veut, pour dire il faut creuser ça, il faut aller au-delà de cette affaire-là pour débusquer ces communistes. On parlait avec la première commission du milieu du cinéma à Hollywood. McCarthy, c'est vraiment les institutions gouvernementales fédérales qu'il a sous sa loupe, qu'il scrute, avec des méthodes qui sont très, très discutables et discutées, les méthodes de Joseph McCarthy. Ça commence d'ailleurs à indisposer les milieux politiques. On va y venir dans un instant. Écoutons, au sujet de la manière McCarthy, l'historien André Caspi à l'émission Au fil du temps en 1992. Il n'a pas besoin de présenter de preuves. Il s'agit simplement d'alerter l'opinion, c'est-à-dire de dire, vous savez, on me cache ou on vous cache les véritables chiffres, mais moi je vous annonce qu'il y a un danger. Et comme McCarthy est un excellent manipulateur des médias, qu'il a d'excellentes relations avec les journalistes, parce que, d'après tous les témoignages, c'est un homme sympathique, McCarthy. Il aime qu'on l'aime, et de toute évidence, il sait être cordial avec les journalistes. Et puis, comme il sait que les journalistes ont besoin de nouvelles à telle heure pour que le numéro sorte conformément aux règles, alors il leur livre une information à leur voulu. Et les journalistes ne vérifient pas. Et quand ils ont vérifié, ils s'aperçoivent que la nouvelle n'est peut-être pas aussi solide que McCarthy le disait. Mais ça ne fait rien. Parce que la nouvelle, elle a marqué le public. La rectification, elle, passe à côté. Méthode douteuse, donc, du côté du sénateur McCarthy. Mais ça fait de la bonne nouvelle, nous dit André Caspi. On y reviendra parce que si André Caspi est dur et critique sur le travail des journalistes à l'époque, ce sont certains de ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, vont mettre l'épaule à la roue pour que ça finisse ce petit manège de McCarthy. Le milieu politique, donc, commence aussi, Karine Prémont, à être passablement indisposé par la manière McCarthy. Je pense, entre autres, à Robert Kennedy. Oui, mais en fait, McCarthy, on l'a laissé faire tant qu'il causait pas trop de dégâts, effectivement, et il était de bon ton à cette période-là d'être anticommuniste, alors ça faisait partie un peu de l'effort national de, justement, s'assurer qu'il n'y ait pas d'ennemis qui se promènent parmi nous. Et McCarthy va vraiment s'intéresser aux fonctionnaires fédéraux, va vraiment s'intéresser, par exemple, au département du Trésor, va s'intéresser à l'ancienne organisation des services secrets, l'OSS, va essayer de faire un peu le tour de ça, parce qu'il est convaincu, en fait, qu'il existe un réseau d'espionnage communiste au sein du gouvernement fédéral américain. Il va s'intéresser notamment à Voice of America, qui est une station de radio qui diffuse en Europe pour justement adoucir les mœurs un peu, et aussi au département d'État. Et il va être un peu alimenté par l'affaire Hiss qui a eu lieu quelques années auparavant. Et Hiss était un fonctionnaire du département d'État. Il travaillait avec Roosevelt. Il avait notamment beaucoup travaillé sur la conférence de San Francisco qui va créer l'Organisation des Nations Unies. Et il a été dénoncé par un membre du Parti communiste. Et ça avait fait toute une histoire parce que là, on avait un visage à mettre sur ce fameux ennemi de l'intérieur. Et il y avait notamment Richard Nixon qui était sur le comité de la Chambre à ce moment-là, qui avait été un farouche opposant à M. Hiss et qui est responsable. Autre futur président. Ouais. Et c'est pour ça qu'on revient à ça. Donc, il a fait essentiellement sa renommée là-dessus, Nixon. Ouais. Et c'est vraisemblablement ça qui l'a mené à la vice-présidence et ensuite à la présidence. Mais McCarthy va dire c'est possible de s'attaquer à ces gens-là. C'est possible de creuser ces espèces de tanières à communistes-là. Et il va faire son pain et son beurre, effectivement, sur la convocation de façon tout à fait cavalière, généralement, des gens des ministères fédéraux. Ouais. Et il va même, à un moment donné, s'attaquer à l'armée américaine avec son style flamboyant. Je parle de l'armée américaine, puis on y reviendra, parce que ce sera le début de la fin pour lui. Mm-hmm. Mais avant d'être le début de la fin, c'est vraiment ses heures de gloire. Il fait des scores d'écoute à la télé formidables. C'est une star, vraiment, une véritable star de la télé. Le journaliste Maurice Werther, en 1954, qui nous décrit ce phénomène. Entre autres particularités remarquables, le sénateur McCarthy détient celle d'être sûrement l'homme le plus vu depuis quelques mois sur les écrans de la télévision américaine. Il y a mis du sien. Sa controverse avec l'armée l'a porté et maintenu pendant des mois, tous les jours, au premier plan de l'actualité politique américaine. L'enquête du sous-comité sénatorial sur les accusations mutuelles de l'armée et du sénateur était télévisée en direct du matin au soir, ce qui durait 5 heures environ par jour. Ce fut une fureur en Amérique, au moins les premiers jours. On ne faisait plus rien dans les bureaux. On regardait McCarthy. S'il n'y avait pas la télévision au bureau, on ne déjeunait plus, même pas du sandwich traditionnel. L'heure du déjeuner se passait dans un bar ou tout autre lieu avec télévision. Je suis prêt à engager ma réputation de journaliste politique qui regarde la télévision en disant que le sénateur McCarthy est le plus grand génie, la personnalité la plus puissante, la plus écrasante qui soit jamais apparue sur un écran de télévision. Alors, il n'y va pas de main morte, Maurice Werther, mais c'est vrai que, objectivement, il y a des chiffres, Karine Prémont. Ses travaux sont vraiment très, très suivis. On parle de 20 millions de téléspectateurs qui suivent cette commission-là dans le moment fort de la commission McCarthy, c'est-à-dire, je vous dirais, avril, mai, juin 1954, où là, on s'attaque directement à l'armée. Et ça, c'est tout à fait inédit, c'est tout à fait spectaculaire. Alors, évidemment, les gens s'y intéressent parce qu'on ébranle les colonnes du temple, d'une certaine façon. L'armée américaine, c'est une vache sacrée, généralement. Et elle est toujours au-dessus de tout soupçon. Alors, quand McCarthy s'y attaque, bien évidemment, il y a des réactions en chaîne. Il y a le public qui suit d'une part. McCarthy va être extrêmement populaire. Ouais. 54% de la population. C'est justicier, là, au exactement, départ. Tout à fait. C'est un justicier. C'est quelqu'un qui a pas peur de s'attaquer aux puissants, qui a pas peur de s'attaquer au gouvernement. Il y a 54% de la population américaine qui juge qu'il fait un travail extraordinaire. C'est parmi les premiers, les hommes les plus admirés aux États-Unis pendant cette année-là. Sauf que de s'attaquer à l'armée, comme on disait, ça crée des réactions en chaîne et ça crée des insatisfactions auprès du gouvernement. Et là, on va se dire, peut-être qu'il va un peu trop loin. Et pour revenir à Robert Kennedy, c'est exactement ça que Robert Kennedy va se dire, parce que Robert Kennedy est membre de cette commission-là. C'est un ami proche de McCarthy. McCarthy est le parrain d'une de ses filles. Il a beaucoup d'enfants, Robert Kennedy, alors j'imagine qu'à un moment donné, il va pêcher un peu loin, mais néanmoins, c'est quand même un ami proche. Et à un moment donné, il va dire, ça suffit, moi, je dois, pour garder ma crédibilité, je dois quitter cette commission-là, parce que là, il va beaucoup trop loin. Et justement, on parlait d'accusations sans fondement. À un moment donné, ça aussi, ça a ses limites. Président Eisenhower aussi, qui ne la trouvera pas particulièrement drôle, là, quand on commence à s'attaquer à l'armée américaine. En fait, c'est le début de la fin pour lui. Exactement, c'est le début de la fin. Eisenhower, lui, est un type qui a pour principe de se tenir un peu au-dessus de la mêlée partisane. Alors, il va pas dénoncer publiquement McCarthy, mais il va le faire beaucoup en privé. Et il va envoyer son chien de garde, Richard Nixon, son vice-président, publiquement dénoncer McCarthy en disant, McCarthy, finalement, ne travaille plus pour le bien commun, il travaille pour son propre bien. Et là, il va un peu trop loin. Parce que il y aura ces procès retentissants, même que l'armée américaine va éventuellement accuser la commission de harcèlement, de chantage, de fabrication de preuves. On va loin. Et les méthodes de McCarthy, on le dit, Kennedy ne sont pas très orthodoxes généralement. Donc, il va signer seul les documents pour assigner les témoins à comparaître. Il va envoyer les convocations à la dernière minute. Il va choisir lui-même quels journalistes vont venir assister aux audiences. Alors, il fabrique un peu, si on veut, ses procès. J'ai interrogé ma conscience. Je n'arrive pas à trouver la moindre justification à ce renvoi. Notre prochaine émission parlera du sénateur McCarthy. Et nous irons droit au but. Nous ne devons pas vivre dans la peur de l'autre. Que ceux qui ont envie de s'opposer aux méthodes du sénateur McCarthy ne gardent pas le silence. Autre extrait de ce film de George Clooney, Good Night and Good Luck, Bonne Nuit et Bonne Chance en français, film qui raconte, entre autres Karine Prémont, l'importance qu'auront justement les journalistes dans la chute du sénateur McCarthy. Oui, parce que si au départ, effectivement, ils sont plutôt intéressés par le travail de McCarthy, ils se rendent compte assez rapidement que ça va beaucoup trop loin. On s'attaque à la liberté d'expression, les libertés individuelles, on en fait fi comme bon nous semble. Et il y aura certains journalistes très courageux, parce que pour s'attaquer à McCarthy, quand il est au sommet de sa popularité, il fallait le faire. Et on voulait pas nous-mêmes... On risque son emploi. On risque son emploi, parce que le problème, c'est que si on dénonce McCarthy, on se fait accuser d'accointance communiste. Ouais. Alors, on va se retrouver devant sa commission. Alors, on peut pas sortir de cette situation. Alors, c'est très dangereux de s'attaquer à McCarthy à ce moment-là. Mais il y aura le courage, notamment, d'Edward Morrow, sujet du film dont on parle depuis tantôt, et qui va, justement, à travers son émission, dénoncer régulièrement et très clairement les agissements de McCarthy en disant, est-ce que c'est vraiment le genre de société dans laquelle on veut vivre, là où toute suspicion devient une condamnation en bonne et due forme? C'est une sombre, une très sombre époque, une des plus sombres, Karine Prémont, que vont traverser les États-Unis. Là. Oui, parce que ça démontre, en fait, la fragilité de la démocratie. Ça démontre la fragilité de ce qu'on prend pour acquis, en fait, c'est-à-dire nos droits et libertés. L'histoire finit bien d'une certaine façon dans la mesure où on va finir par faire une motion de blâme contre McCarthy et mettre fin à cette commission-là. Mais néanmoins, ça démontre qu'on est toujours à un cheveu, si on veut, de retourner dans une situation comme celle-là. Parce qu'il est allé très loin, c'est la démocratie qui est en cause, il y a plus de, l'état de droit n'est plus là. Puis ce qui est fascinant quand on y repense, c'est que c'est la machine, là. C'est un comité sénatorial, c'est au Congrès que ça se passe, c'est l'institution parlementaire. Ce qui est étonnant, c'est le pouvoir qu'a eu cet homme-là, et avant que les gens réagissent et ne mettent un frein à ce pouvoir-là, il y a eu des gens dont les vies ont été brisées, des gens qui ont fini en prison, qui ont tout perdu, qui ont dû effectivement quitter le pays, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur réputation, sur la base de simple suspicion, on le répète, c'est important. Mm-hmm. Et même si certains de ces gens-là étaient coupables, effectivement, d'avoir trahi leur pays, d'avoir espionné les États-Unis au compte de l'URSS, c'était le cas notamment des époux Rosenberg, dont on n'a pas parlé, mais qui ont été traduits en justice, non pas dans la commission McCarthy, mais à cette époque-là, ils sont vraisemblablement coupables de cet espionnage-là, on le sait aujourd'hui, mais néanmoins, la façon dont les procès étaient conduits, c'était tout à fait scandaleux, parce que pas de preuves, peu de témoins, oui-dire, raconteur, et voilà, vous êtes comme les époux Rosenberg, condamnés et exécutés. Alors, on parle ici des États-Unis, on ne parle pas d'une dictature quelconque. Il va finir comment? De quelle manière? McCarthy, dans l'ombre complète? Oui, mais en fait, en décembre 54, il aura cette motion de blâme. On va lui retirer la présidence du comité, mais il va demeurer sénateur jusqu'à sa mort, qui surviendra peu après. En fait, il va mourir en 1957, à l'âge de 49 ans, d'une cirrhose du foie. Bon, on a dit souvent que le fait qu'il se retrouve jeté hors des feux de l'action, qu'il n'ait plus les caméras devant lui, l'ont conduit à la dépression. Faudrait voir. Mais il a tenté tant bien que mal de se débattre. Il a accusé le président Eisenhower d'être lui-même trop près des communistes. C'est pour ça qu'on le chassait. C'était une vendetta contre lui. Le délire. Alors, c'est le délire total, effectivement. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.